Corona, ça n'a pas marché, ils sont devenus lyricistes. Tu penses que j'ai fini, je te ressoulève et je termine au finishing. Tu perds ton temps, le doigt dans l'œil, si t'attends qu'on te félicite. Le son est lourd, on n'oublie personne pour les sourds, y'a quelqu'un qui fait des signes. Wow, on plaisante plus, fini les conseils, on n'entend plus. L'alcool résout pas les problèmes, l'eau et le lait non plus. Je reviens énervé et je les entube, comme si on commande et je les entube. Je regarde ce game de vieux, je crois que je suis l'encre. Oh non, t'es pas le bienvenu ici, oh non, bientôt on veut bien si, oh non. Maintenant que tu bénéfices, que des grands artistes de père en fils, oh non. Hey, plus de pif, pas de jour, fais rien. Dans le 13, tout le monde conspire, bienvenue dans la maison des trophées, tout est bien fait. Les voisins d'à côté sont pas contents. Les voisins d'à côté sont pas contents. Ça va chez nous, ils sont pas contents. Avec mes mots quand dans les rues de Paris. T'as les problèmes, il faut rechercher le wari. Oh.